Cosmic Cassette, premier numéro, une émission consacrée aux cassettes audio. On va commencer par Oberlager Blues de Ventre de Biche, paru sur le label Maison de Retraite en 2011. Thank you. Yann Kovac Junior avec Sniffy Notit, édité chez OSR aux États-Unis sur la cassette You Know It When You Feel It. Et maintenant, c'est Dirty Beaches, une cassette que j'ai cru acheter sur Bandcamp alors que j'ai acheté que le titre numérique que j'ai donc copié sur une cassette. Coast to Coast sur NP Cassette, Night People Record USA 2008. Thank you.

C'était Dirty Beaches à l'instant avec c'était Mary Crisis à l'instant avec la chanson KKKP paru sur l'ombre du joyeux délire sur la cassette Mary Crisis. Voilà leur première cassette, un groupe de Pau. Et juste avant c'était Eric Kinney de Mulhouse avec le titre quoi, avec la cassette Les résultats sont des plus intéressants, paru sur Santé Loisirs en 2014, il me semble. On va passer tout de suite à l'avant-dernier morceau de la session. Ron, R-A-U-N-E, chez Echo Records. Cosmic Cassette. Je pense que ça vient d'Allemagne. Et on écoute tout de suite Masaya, un mec du Canada édité par Tomaturge et Errata sur la cassette Pocket. Et le track c'est Pocket of Resistance. Try the game yourself. Oh, yeah? Oh, yeah. Let's go.